tous mobilisés, François-Gonzague Meunier, Florence Guédon, Pierre Boulet. Monsieur Henri, voir le verre à moitié plein ou vide n'est pas le sujet. Le résultat est le même. Vous vous contentez de la moitié, alors que j'exige le maximum de moi-même et des autres. Véritablement, ce qui nous sépare correspond à un certain degré d'exigence. Je reproche votre gestion sans ambition, qui, j'en conviens, fonctionne, c'est bien le moindre. Mais puisque vous parlez d'église qui nous rapproche, je vous invite à relire la parabole des talents. Monsieur Artus, que vous conspuiez tant jadis, avait une vision ambitieuse, et nombre de ses choix ont permis un vrai rayonnement. Le parc Saint-Fiacre éclaire sur ce que j'appelle votre absence d'ambition. Vous avez choisi 2 hangars pour 10 millions d'euros, 6 bâtis et 4 extérieurs. Au municipal, vous annonciez 6 millions d'euros, peut-être plus acceptable pour vos électeurs. Dites-nous, Philippe, dans les 35 millions de la rocade nord, l'enrobé est-il compté? 10 millions d'euros pour vos hangars tunés. Action de rendre sa voiture minable jolie. Bien trop cher. Comme finance et évolution des dotations se tendent, vous nous imposez un projet bas de gamme. Si l'on considère l'utilité de ce projet, vous auriez dû voir plus grand, investir, franchement. Nous aimerions être fiers de notre équipement parce qu'il valorise l'esthétique de notre cité par une architecture innovante. Les gens doivent choisir cette salle parce qu'elle est pratique, mais aussi esthétique. Avec une vision, vous auriez positionné, par exemple, un restaurant panoramique avec terrasse donnant sur la Mayenne, le vieux château Gontier. De la hauteur, voilà ce qu'il aurait fallu. Voilà ce qu'il vous manque. Que voulez-vous ? Il a fallu mon intervention pour faire positionner la façade côté Mayenne, quand le projet initial la positionnait face aux anciennes serres. Je considère que le verre n'est rempli qu'à la moitié. Qui sait? Peut-être aurez-vous l'amabilité de nous resservir ?